Chapitre 3e. Malgré les cris d'alarme et malgré les coups de feu, Juana et Fleur de Sol bondissent à travers les obstacles. Il y a des trous profonds, taillés à pic, et qui criblent le terrain découvert. Il y a des talus provenant des fouilles et aussi de petits ruisseaux servant au lavage des terres aurifères. Tout cela entrave dès le premier moment la rapidité de leur course et compromet gravement le succès de leur audacieuse tentative. Enfin, les balles sifflent à leurs oreilles, s'enfoncent dans la terre, font voler des nuages de poussière ou fracassent des cailloux. « S'ils croient nous faire peur, ils se trompent !» s'écrie Juana en courant de plus belle. « Oh, ils ne nous auront pas vivantes !» gronda l'Indienne en serrant le manche de son poignard. Elle tâche de se rapprocher des chevaux attachés devant le log house. Malheureusement, la porte s'ouvre au bruit des coups de feu et deux hommes apparaissent. Ils sautent sur le dos des mustangs et les lancent sur la trace des pauvres enfants. Tout espoir est perdu de ce côté. Elles font un brusque crochet et se jettent au milieu des terrains exploités. Là, du moins, la marche des chevaux sera, et de beaucoup, ralentie. En face d'elles, à moins de 400 mètres, émergent les premiers rochers de la plaine de sable. « Vite, vite, sur la droite !» crie l'Indienne en montrant les éboulis. « Là, nous serons à l'abri. Courons, oui, courons !» Mais de tous côtés, les sinistres aventuriers, mis en éveil par les cris et les détonations, surgissent et prennent la chasse. Flore tourne la tête et les voit sortir en tumulte des log houses, des tentes, des débits de liqueurs, des tanières gazonnées. Ils sont là 150, peut-être 200, qui tiraillent, vocifèrent, jouent des jambes et s'efforcent de gagner de vitesse les fugitives. D'autres, plus avisés, brident et scellent leurs chevaux et partent, ventre à terre, vers les rochers. Ils déroulent en galopant leur lasso et les font tournoyer en riant aux éclats, certains d'une victoire facile. « Nous avions trop espéré !» murmure Juana en étouffant un sanglot. Au loin, le passage est déjà coupé par une ligne ininterrompue de cavaliers. « Reculons !» dit l'Indienne, dont les yeux ont un regard de flamme. « Que veux-tu faire ? Nous défendre, j'ai mon idée. Oui, jusqu'à la mort. Mais des armes ! Nous en aurons tout à l'heure, viens !» Elles s'arrêtent, font volte-face et reviennent, toujours courant, vers leur point de départ. De loin, Flore examine les log houses et remarque l'un d'eux qui se trouve isolé des autres habitations. Trapu, carré, bien d'aplomb, il ressemble à une petite forteresse. Enfin, avantage inappréciable, il est seul, sans bâtiment annexe, avec les abords bien découverts. Il commande les alentours et rend impossible toute irruption sournoise. L'Indienne montre du doigt la robuste construction et dit brièvement « C'est là qu'il faut aller ». Les voilà donc repartis et courant de plus belle. Comme elles se dirigent vers les maisons, la poursuite se ralentit et les coups de feu s'arrêtent. Elles arrivent enfin devant le log house. La porte est ouverte. Une vraie porte de casemate. Il n'y a personne. Les habitants caracolent, font de la fantaisie et poussent des cris de triomphe en voyant les jeunes filles de nouveau à leur merci. L'Indienne entre la première et s'écrie, joyeuse, « Ouf, nous y sommes. À présent, qu'ils viennent donc nous prendre ?» D'un coup d'œil rapide, elle inventorie la primitive demeure. Deux lits grossiers, en planches et carrés à l'âge, s'y remplis de feuilles de maïs. Aux murailles, des cornes de taureaux sauvages auxquelles sont accrochées deux carabines à répétition et une paire de longs revolvers montés en argent. Une table et deux escarbeaux en bois brut, un coffre contenant des vêtements et des paquets de cartouches, des morceaux de tassaro, de la viande séchée, enfilée dans une cordelette, des boîtes de conserve, une outre pleine. Mais il y a là de quoi soutenir un siège. Des armes, des provisions, des murailles à l'épreuve de la balle et de l'eau. Fermons d'abord la porte. Le lourd panneau est maintenu par un madrier qui s'adapte en arrière, empêche la poussée la plus violente et résiste comme un bloc plein. En un clin d'œil, le madrier est mis en place. Par une prévoyance réellement admirable, le constructeur du fortin l'a pourvu de quatre ouvertures permettant de voir du dedans sur les quatre faces. Toutes petites, mais taillées en biseau pour augmenter l'angle visuel, ce sont de véritables meurtrières par où il est facile de passer le canon d'une arme à feu. Il y en a une dans la porte et Flore, curieuse, y colle aussitôt son œil. Malgré la gravité de la situation, elle éclate de rire et s'écrie « Oh, ce qu'ils ont l'air abasourdis !»« Figure-toi des chiens !» qui chasse une paire d'agoutis, je ris malgré moi, et qui se casse le nez, devant le terrier où disparaît le gibier. Folle, quelle folle tu fais, ma chérie. Oui, je ris, mais il y a un temps pour tout. À présent, c'est fini. Défendons-nous. » Hermétiquement clos, le blockhouse n'a pas de fenêtre. En temps ordinaire, il s'éclaire par la porte ouverte. Celle-ci, fermée, de minces filets de lumière pénètrent à l'intérieur par les meurtrières. Et cette lueur suffit aux jeunes filles, dont les yeux d'ailleurs se sont habitués à l'obscurité. Flore décroche les deux carabines suspendues par la bretelle et en présente une à son amie. « Tu sais t'en servir, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Tu vas voir, » répond résolument Juana. Les armes sont chargées, 6 cartouches dans le magasin, 1 dans le tonnerre, 7 balles à tirer. L'Indienne passe le bout du canon dans une meurtrière et ajoute froidement « Il faut tenir quand même jusqu'à la nuit. Alors, quand il y aura du noir partout, nous ouvrirons bien doucement la porte, nous prendrons chacune un revolver et nous filerons à toutes jambes. Ils n'y verront goutte et nous leur échapperons. S'ils nous barrent le chemin, nous l'ouvrirons à bout portant, à coups de revolver. À présent, assez causé, ils approchent trop, il faut les arrêter. » Elle vise longuement un cavalier qui dépasse les autres de plusieurs longueurs. Elle appuie doucement sur la détente. La détonation éclate. L'homme étend les bras et se renverse lourdement en arrière. Flore éclate d'un rire cruel et s'écrie « Edin !» pour apprendre aux autres à respecter notre liberté. Le coup de feu de Juana retentit en même temps. Frappé en plein poitrail, un cheval se dresse, fait quelques pas debout, comme un animal héraldique, et s'écroule sur son maître. « Tu as manqué l'homme ?» fait l'Indienne dépitée. « Non, j'ai visé le cheval. Verser le sang d'une créature humaine me répugne. Ah oui, tu es une blanche, toi, et tu as des préjugés. Que ferais-tu donc si ce misérable forçait la porte et mettait la main sur toi ? Que veux-tu ? Dans la colère ? Dans l'acharnement de la lutte, je me défendrai. Alors ce qui est mal de loin est bien quand on est rapproché. Enfin, à ton aise. » Et l'intrépide gamine ponctue d'un nouveau coup de feu cette réflexion philosophique étrange en pareil moment. Un second cavalier aussi fléchit et se renverse. Puis aussitôt un troisième et un quatrième. « L'élan, mon père, m'a montré comment on se sert d'une carabine, » dit Flore, dont les yeux luisent dans l'ombre comme ceux d'un fauve, « et Joey serait fier de moi. Et moi, je ne puis me résoudre à tuer un homme, quelqu'un digne qu'il soit, et pourtant... » Pour la seconde fois, elle vise attentivement un cheval qui se présente de côté. Le recul de la carabine se répercute violemment à son épaule, et là-bas, l'homme et la bête roulent dans la poussière. La balle a frappé en plein flanc. Le cheval se tord et pousse des hennissements lugubres. L'homme, une jambe fracassée, se traîne sur le sable et hurle comme un damné. « Là, tu y viens malgré toi ?» fait l'Indienne avec son rire aigu. « Tu laisses trop pied, et je ne le plains pas. » Cependant, cette terrible riposte, cette adresse, réellement étonnante qu'ils étaient loin de soupçonner, ont vite refroidi l'ardeur des assaillants. Ils croyaient capturer en se jouant les deux fugitives. Et au lieu de deux enfants tremblantes, affolées de peur, ils trouvent des héroïnes qui se défendent comme les soldats les plus valeureux. Ils arrêtent leur folle chevauchée, se concertent, puis s'éloignent prudemment hors de la portée des terribles carabines. « Je crois qu'ils en ont assez, » dit l'Indienne en rechargeant méthodiquement son arme. « Du moins pour l'instant. Mais plus tard, cette nuit, reposons-nous d'abord et mangeons, tout en ouvrant l'œil, n'est-ce pas ? Moi, je n'ai pas faim. « Et je suis horriblement énervé, » répond Juana, dont l'organisme subit la dépression qui suit les grandes crises de la vie. « En guerre, ma chérie, vois-tu, il faut du repos et de la nourriture. Pas de résistance possible sans cela. Je voudrais avoir ta magnifique insouciance. Mais je pense à mon père, à ma mère, prisonnier de ce monstre, et j'ai peur. Oui, un monstre et un lâche. On ne le voit nulle part où il y a des coups à recevoir. Il se cache. » Il a peur des balles et on voit les autres se faire tuer à sa place. L'homme des besognes louches, des attaques sournoises, des luttes sans péril. Tiens, je te le disais bien. Juana, qui essaie de grignoter un morceau de tassaro, regarde par une meurtrière. Elle voit des gens avancer en rampant derrière de gros troncs d'arbres qu'ils font rouler dans la direction du fortin. Ainsi dissimulés, ils ne craignent guère les balles. Et parmi eux, Juana croit reconnaître Andrés. Leur projet est bien simple. Ils veulent ainsi progresser lentement mais sûrement vers le fortin, à la façon des sapeurs du génie poussant des gabions vers un ouvrage assiégé. Ils sont une dizaine. « Les laisserons-nous faire ?» s'écrie Flore en épaulant son arme. « Voyons, et ton préjugé ?»« Fini !» riposte en l'imitant Juana. Elles font feu en même temps. Aussitôt un bruit sec succède à la détonation. Les balles font voler deux éclats de bois et ricochent au loin avec leur piaulement sinistre. Bien tapis derrière les blocs mouvants, les assaillants n'ont pas été atteints. Mais rendus plus prudents, ils s'arrêtent et, sans trop s'exposer, mettent debout chacun le tronc qui les abrite. Deux détonations retentissent encore. Un des hommes, frappé à l'épaule, pousse un juron et s'affaisse en montrant le poing. Les énormes rondins ainsi dressés forment une barricade. En arrière, à court, en se défilant, plusieurs terrassiers munis de pelles. Également abrités, ils fouillent à la base de ces troncs une petite tranchée dans laquelle ces derniers glissent par leur propre poids. Les terres sont aussitôt rabattues et piétinées, et cela forme une palissade qui peut protéger une dizaine d'hommes. Il y a, naturellement, quelques solutions de continuité entre ces blocs irréguliers, et l'œil furteur de l'Indienne voit que s'y glissent plusieurs canons de Winchester. D'instinct, elle quitte la meurtrière et pousse violemment de côté Juana. En même temps, le front de la barricade se couvre de vapeurs de poudre. Un feu de salve éclate et une grêle de balles vient frapper la robuste paroi du blockhouse. Quelques-unes arrivent avec une précision terrible au bord de la meurtrière elle-même. Font voler des éclats de bois et s'enfoncent, en sifflant, dans la muraille intérieure. Si Flore était demeurée à son poste d'observation, elle avait la tête fracassée. « Bien riposté, » dit-elle froidement. « Bien manœuvré aussi, » ajoute Juana, en reposant à terre son arme, pour l'instant inutile. « Ainsi on nous fait les honneurs d'un siège. Que veux-tu ? Nous nous défendons comme des hommes, et on nous traite en homme. » « Je comprends, à présent, leur manœuvre, qui tout d'abord m'avait paru inexplicable. Et moi donc ? Ils se sont mis bravement à l'abri pour tirer sur notre embrasure et nous empêcher ainsi de riposter. Afin d'élever sans danger de la même façon une seconde barricade en avant de la première. Et cela les rapprochera d'autant du log house jusqu'à le toucher pour le démolir avec leur baramine et finalement nous prendre à merci. Je crois même qu'ils vont ainsi nous entourer des quatre côtés, mais cela prendra du temps. Pourvu qu'il ne donne pas l'assaut avant la nuit. Cela m'étonnerait. Vois-tu, chérie, il fait très chaud. Ces messieurs, les desperados, ont galopé, crié, bataillé, travaillé. Ils doivent avoir une vraie soif de brigand. Et je serais bien étonné s'ils n'allaient pas boire. Or, quand on boit au désert, on ne sait où ni quand cela finit. Quelques minutes s'écoulent, puis retentissent au loin des cris violents accompagnés de coups de revolver. Ces clameurs s'élèvent à l'autre extrémité du camp. Les recluses ont un moment d'espoir. Est-ce une attaque? Vient-on à leur secours? Est-ce la délivrance? Curieusement, à tout risque, Flore regarde par la meurtrière que viennent de hacher les balles. Il y a là-bas un mouvement désordonné. Des gens courent, sautent, lancent en signe de joie au-dessus de leur tête des armes, des chapeaux qu'ils rattrapent au vol. Puis apparaissent des voitures pesamment chargées qui s'avance lentement à travers la cohue des bandits dont la sauvage allégresse devient de plus en plus tumultueuse. Ces voitures s'arrêtent de temps en temps et ces haltes semblent provoquer dans la foule un véritable délire. Les yeux de l'Indienne ont l'acuité surprenante des gens de sa race. Malgré la distance, les détails de la scène lui apparaissent distinctement et elle s'écrie « Mais tout ce monde la boit !» Elle voit des mains tendues et perçoit ce geste expressif du buveur qui porte à ses lèvres une rasade et l'engloutit pour recommencer jusqu'à ce que l'ivresse le fusille. Juana répond, inquiétée par ce tumulte. « Sans doute une provision d'aguardiente qui leur arrive. Mon Dieu, que va-t-il se passer ? Qu'ils seront sans doute ivres morts ce soir, et que cela favorisera beaucoup notre fuite. Moi, cette folie furieuse des gens qui ont bu m'épouvante. Je songe à cette nuit horrible, où ils pillèrent et brûlèrent la Sienda, et où tu nous sauvas, si généreusement, mon père, l'élan et moi, qui étions alors tes ennemis. Je crois que tu as payé 10 fois ta dette. Mais puisque ceux de la barricade nous laissent un moment tranquille, donne-moi ta place, que je vois à mon tour. » Elle regarde et s'écrie « Hé, les voilà qui partent en courant comme s'ils avaient le feu au talon. Quel malheur que ces voitures ne soient point arrivées quand on nous poursuivait. « Bon, laisse donc, il n'y a rien de perdu. Quand ils auront bu, ils nous oublieront. Si nous essayons encore de fuir, ils ne sont pas encore à point. Leurs chevaux sont tout prêts. En 2 minutes, ils nous auraient rattrapés. Attendons. » Cela ne tarda guère, mais non pas, hélas, comme l'espéraient les pauvres enfants. Les hommes de la barricade burent copieusement sans doute, mais très vite revinrent en courant. Flore avait repris à la meurtrière la place de Juana et regardait. Tout à coup, elle aperçoit un canon de carabine sortir entre 2 blocs de bois. Prudemment, elle se jette de côté. Une détonation retentit, une balle siffle et vient s'enfoncer avec son claquement tout sec à quelques centimètres de la meurtrière. Quelques moments après éclate une seconde détonation, puis une troisième et une quatrième. Les balles frappent toujours la paroi du log-house et dans un centre assez rapproché, comme si les bandits s'amusaient au tir à la cible, Flore devine leur intention qui n'échappa non plus à son amie. « Oh, les misérables !» gronde la petite indienne. En criblant ainsi l'ouverture, ils nous empêchent de voir, même d'approcher et de riposter. « Flore !» interrompt Juana entre 2 coups de feu. « On marche. J'entends des pas rapides. Oui, on court, là, tout près. Oh, ne pas pouvoir regarder. Savoir quel piège diabolique on nous dresse. » Les balles claquent toujours et déchiquettent le pourtour de l'embrasure. Quelques-unes même passent en sifflant par le trou agrandi et s'enfoncent dans la muraille intérieure. Là-bas, derrière la barricade, retentissent de longs hurlements d'allégresse. Un peu plus loin, l'orgie bat son plein. Et tous ces bruits divers qui grandissent, puis s'arrêtent pour s'amplifier de nouveau, arrivent avec une netteté singulière aux 2 recluses. Brusquement, les assiégeants cessent leur feu. Il semble 2 jeunes filles entendre comme un léger crépitement, dont elles ne soupçonnent pas la cause. Cela dure 1/2 minute. Puis tout à coup, elles sentent le sol trembler sous leurs pieds. Elles tombent à la renverse, au moment où retentit une détonation violente. Une des faces du lockout s'écroule comme sous la poussée d'un cyclone. Le reste, à demi désarticulé, ne tient plus que par miracle, pendant que des rondins, chassés avec une force irrésistible, s'élèvent en tournoyant pour retomber à plus de 100 mètres. En même temps, une fumée âcre, suffocante, emplit les ruines, et Juana balbutie, assourdie. « La dynamite, c'est la dynamite !» À travers le nuage opaque, des hommes aux aguets se précipitent, munis de lasso. Avant que les intrépides jeunes filles aient eu le temps d'essayer une défense impossible, elles sont garrottées et mises dans l'impossibilité de faire un seul mouvement. Pas un cri, pas une plainte ne leur échappe. Un peu pâle, mais l'œil plein d'éclairs, la bouche dédaigneuse, elles se laissent emporter vers cette foule qui de plus en plus vocifère, boit et s'agite, prête aux pires excès.